Chapitre 31e, sur la route. Sur un chemin de traverse à environ 20 000 de Liverpool, sur la route de Londres, un homme voyageait sous les rayons brûlants d'un soleil de juillet. Sa blouse tombait en haillons autour de lui. Ses souliers à gros clous tenaient à peine à ses pieds. Le chapeau de feutre qu'il portait avait évidemment supporté tant d'orages que sa forme primitive était à jamais perdue. Il portait un misérable petit paquet suspendu à un gros bâton. Cet homme lui-même avait vu bien des mauvais temps. Sans les jurons parfaitement anglais qui, de temps à autre, s'échappaient de ses lèvres, vous l'eussiez certainement pris pour un homme né dans quelque pays du Midi, tant son visage avait été bronzé par les ardeurs d'un soleil brûlant. Bien que la route qu'il parcourait fût déserte, il avançait d'un pas craintif, se tenant sans cesse auprès des haies comme quelqu'un qui craint d'être rencontré par un ennemi impitoyable. Ce n'était pas l'homme le plus agréable du monde à voir, et je pense, lecteur, que si vous vous fussiez trouvé tout à coup en face de lui sur cette route isolée, vous eussiez ressenti une certaine alarme vague pour la sûreté de votre montre ou de votre chaîne, sinon pour celle de votre vie. Le chemin lui-même ressemblait à un coupe-gorge. C'était bien celui qui convenait pour un guet-apens de bandits contre d'honnêtes gens. À l'extrémité de cette route, il y avait un monticule sur lequel, au bon vieux temps, plus d'un malfaiteur avait été pendu aux branches d'un gros chêne qui, quoique mort, continuait à être ce qu'il avait été de son vivant, la terreur du pays. C'est pour cette raison que cet endroit porte encore aujourd'hui le nom de Gibbet Hill. C'est au pied même de Gibbet Hill que le voyageur harassé se laissa tomber à terre pour se reposer, murmurant en même temps une de ces malédictions à l'aide desquelles il s'était efforcé de rompre la monotonie de la route. Il tira de son paquet un os assez misérable et quelques morceaux de pain, puis ouvrant un couteau d'une dimension effroyable, il commença son pauvre repas. Quand il eut gratté l'os au point que le chien le plus affamé, en fouillant le ruisseau, n'eut pas daigné s'y arrêter, il ferma son couteau, le mit dans sa poche de côté, et se laissant tomber sur le dos, il prit du tabac dans son gilet et commença à bourrer une pipe de terre noircie qu'il portait fichée au galon de son chapeau. « Je suis encore à 200 000 de l'endroit où je vais, » dit-il d'une voix rauque, « les pieds endoloris, fatigués, affamés. Environ 3 shillings dans ma poche pour faire 200 000, cela semble dur. » Il accompagna ce discours de tant de jurons qu'il le fit 2 fois aussi long que celui que nous transcrivons ici, puis, allumant sa pipe, il se mit à aspirer des bouffées boudeuses, comme s'il avait quelque vieux compte à régler avec le tabac, et qu'il s'efforça d'en venir à bout. De cette manière, il finit sa pipe en très peu de temps, et comme sa provision de la feuille consolatrice l'obligeait à l'économie, il remit le petit morceau de terre noircie dans son chapeau et s'arrangea pour dormir. Il dormait depuis quelque temps quand il fut réveillé par un chien qui aboyait tout près de lui. Il ouvrit les yeux en murmurant un de ses jurons favoris, et loin la tête, il vit sur la route, au bas du monticule, un grand diable de bohémien assis sur un âne qui le regardait avec attention. « Oh là, camarade !» dit ce dernier tout naturellement. « Vous avez de la chance de ronfler comme cela en plein air. Je ne vous dis que ça. Appelez votre bermine de chien, voulez-vous » hurla le voyageur réveillé. « À moins que vous ne vouliez que je lui fende le crâne pour vous. » Mais il était si affaibli par sa longue marche qu'il s'épuisa lui-même par son emportement et retomba sur l'herbe incapable de faire aucun mal. « Vous avez le réveil joliment mauvais, camarade, » dit le bohémien, en balançant ses jambes qui pendaient sur les flancs de son âne. « Mais vous n'avez pas l'air trop fort, mon brave. Vous avez marché, et vous êtes un peu fatigué. »« Je suis fatigué, » répondit l'autre, « et je ne suis pas bon. Pourquoi me réveillez-vous quand je n'ai pas dormi depuis 14 heures ?»« J'étais plus heureux en dormant, car je rêvais. » »« Rêviez-vous que vous aviez mangé ?» demanda le bohémien en riant. « Non, » grommela le voyageur, « je rêvais quelque chose de plus doux. Bien que, Dieu le sait, j'ai assez faim pour trouver qu'il est doux de manger. Et bien que je vienne de manger la viande la plus coriace que gentleman ait jamais donnée à ses chiens, je rêvais de quelque chose beaucoup plus doux que le manger ou le boire, et même que l'argent, ou l'amour, ou la tranquillité, et même que la vie. Je rêvais que je me vengeais. » Dans la chaleur du moment, il se releva et frappa violemment la terre de son bâton. « Diable, que Dieu nous sauve !» s'écria le bohémien. « Quel homme vous faites ! Je ne voudrais pas vous avoir offensé. »« Que ceux qui m'ont offensé prennent garde à eux, voilà tout !» dit l'autre. « Vous avez l'air terriblement malade. » murmura le bohémien en regardant fixement le visage du voyageur. « Je suis terriblement malade, » répondit-il d'un ton sinistre. « J'étais plus mal, et je puis être plus mal encore, mais malgré tout j'irai jusqu'au bout. J'ai une fièvre qui m'a tenu sur le dos nuit et jour sur un tas de haillons, dans un trou où un chien n'aurait pas couché. Mais j'en suis venu à bout. J'ai eu des rhumatismes au point que ma carcasse ressemblait à un monceau de cendres et de douleurs. Mais j'en suis venu à bout. Que je devienne aveugle et boiteux, s'écria-t-il, que je devienne aveugle et boiteux, si je ne vais pas jusqu'au bout, maintenant que je suis si près du but. Il était si faible que sa voix s'était affaiblie en prononçant ces derniers mots, et il commença à tousser fortement. « Je vais vous dire, camarade, fit le bohémien, vous paraissez trop mal pour continuer votre route aujourd'hui. Nos gens ne sont pas loin d'ici, et j'ose vous promettre qu'avec un mot ou deux de moi, et si vous voulez retenir votre langue, ils ne demanderont pas mieux que de vous garder la nuit. » Le vagabond accepta de mauvaise grâce cette offre bienveillante, et le bohémien, mettant pied à terre, dit à l'autre de monter sur son âne. « Vous pourriez tomber, je le sais. Je suis assez solide, et cela me fera du bien d'allonger un peu mes jambes. » Le camp des bohémiens était à un angle de la route, à environ un mille de l'endroit où l'homme s'était couché. C'était un lieu agréable et bien ombragé, entouré d'aunes et de peupliers, et couronné d'un épais bouquet de hêtres au pied desquels se trouvait une mare. Au milieu des buissons, sur l'herbe, deux ou trois hommes étaient étendus et fumaient paresseusement en faisant des paillassons. Une couple de chiens montait la garde sous un hangar, et une femme était assise sur un tabouret, occupée à éplucher des pommes de terre. Une autre femme, plus jeune et plus belle que sa compagne, dormait la tête appuyée sur un vieux châle. À l'exception de cette dernière, ils levèrent tous la tête à l'apparition du bohémien et du voyageur. « Oula, Abraham ! » s'écria l'un des hommes. « Qui amenez-vous là ?»« Un dormeur que j'ai ramassé à Gibbet Hill. Et ce serait une bonne action que de lui donner une bouchée à manger et de lui laisser prendre une nuit de repos. Voulez-vous, hein ?»« Quant à cela, nous n'avons pas grand-chose, mais il est libre de prendre sa part de ce que nous avons. N'éveillez pas Britannia. Pauvre fille, elle vient de s'endormir, et ça ne lui arrive pas si souvent. » Le vagabond s'étonnait d'entendre cet homme parler de la dormeuse avec tant d'égards. Elle était très belle, mais elle avait l'air hagard et soucieux. Ses lèvres étaient péniblement contractées, il y avait un cercle creux et bistré autour de ses yeux fermés. « Vous pourriez donner un coup de main à ses camarades. Pendant ce temps, le souper s'apprêtera, » dit un des hommes. « À propos, comment vous appelez-vous » L'homme se gratta la tête comme s'il ne savait pas trop comment répondre à la question du bohémien. « John Andrews, » dit-il courtoisement. « John Andrews, bien. Et comment gagnez-vous votre vie, maître Andrews ?»« Quelquefois d'une façon, quelquefois d'une autre. Je n'ai pas fait grand-chose depuis 3 mois. Je suis plutôt mort de faim qu'autre chose, mais j'irai jusqu'au bout. » Il dit cela non pas au bohémien, mais à lui-même. Ses yeux creux semblaient briller d'un feu diabolique, comme s'il avait eu dans sa poitrine quelque mauvais génie qui le poussa et lui donna la force de tout surmonter. Il s'assit et aida les deux hommes, ainsi qu'on en avait prié. Il s'en tirait assez maladroitement. Ses doigts n'étaient pas accoutumés à manier la paille, mais cependant il y mettait beaucoup de bon vouloir, et cela contentait les bohémiens. Quand vint le soir, la femme qui avait épluché les pommes de terre prit un ragoût savoureux dans une marmite qui était restée suspendue sur un feu de bois à côté du hangar. Après avoir sorti du garde-manger de la petite troupe un pot de bière, elle annonça que le souper était prêt. Les yeux de John Andrews brillèrent d'une satisfaction étrange quand il sentit cette nourriture appétissante et qu'il vit la femme verser le ragoût dans une demi-douzaine d'assiettes en étain. La femme, qui avait dormi pendant toute la soirée, ouvrit les yeux au bruit des assiettes et regarda autour d'elle. « Allons, Britannia, » dit l'homme qu'on appelait Abraham. « Venez, ma fille, vous avez bien dormi. Réveillez-vous et venez manger un peu. »« Je n'ai pas faim, » répondit-elle en secouant la tête d'une manière fatiguée et préoccupée. « Vous êtes tous très bons pour moi, mais je n'ai pas faim. Je veux seulement arriver là-bas. » Elle regarda droit devant elle, à l'horizon empourpré, les yeux brillants et les lèvres serrées, rigides et froides comme si elles eussent été taillées dans la pierre. « Tout ce que je demande, c'est d'arriver là-bas. » Les hommes s'entre-regardèrent. Quelque vague que fussent ces paroles, ils en comprenaient évidemment la signification. Elle ne mangea qu'un peu de pain et de fromage, mais les hommes firent honneur au ragoût de viande et de légumes et John Andrews dévora tout ce qui lui tomba sous la main. « Et maintenant, camarade, » dit un des bohémiens en allumant sa pipe après dîner, « quelles sont vos intentions pour demain ? « Continue ma route, » répondit John Andrews. « À pied ?»« Oui, à pied. » « Alors pourquoi ne pas marcher avec nous ? Vous pourriez vous rendre utile, d'une manière ou d'une autre, car je ne suppose pas que vous teniez spécialement à une occupation. »« Non, mon Dieu, non, » répondit M. Andrews avec une grimace sinistre. « Alors pourquoi ne pas rester avec nous ? » dit l'autre. « Parce qu'il n'y a qu'une route qui puisse me convenir, et que probablement ce n'est pas celle-là que vous suivez. »« Pourquoi pas ? » dit le bohémien en réfléchissant. « Nous allons d'un assez bon pas, et ce qu'il y a de mieux, c'est que nous ne nous pressons si fort que pour satisfaire la fantaisie de cette pauvre fille qui va quelque part de l'autre côté de Londres. »« Moi aussi, je vais de l'autre côté de Londres, » fit Andrews. « Nous allons tous dans le comté de Sussex, aux courses de Chilton. Nous y étions à la dernière tombée des feuilles, et nous y avons bien fait nos affaires. Mais il nous est arrivé un malheur qui a presque dérangé le cerveau de cette pauvre fille. » « Dans quelle partie du Sussex ?» demanda John Andrews avec impatience. « Qu'importe la fille, quelle partie de Sussex ?»« Les plaines de Chilton sont à 10 000 de Chichester. » Il faisait presque nuit, et les hommes ne se voyaient qu'à la lueur d'une allumette quand l'un d'eux allumait sa pipe. John Andrews garda le silence pendant quelques moments, et quand il parla, ce fut pour dire tranquillement « Je reste avec vous, camarades. » Après cela, les hommes échangèrent la ronde des poignées de main. Les bohémiens franchement et amicalement, le voyageur avec la réserve et la façon sournoise qui lui était particulière, comme si le démon enfermé dans sa poitrine l'empêchait de trop se lier avec ses semblables. Plus tard, dans la soirée, il parut frappé d'une pensée soudaine et dit « Pourquoi votre jeune fille là-bas va-t-elle aux plaines de Chilton ?»« Pour une pauvre sœur à elle, qui est enterrée non loin de là, » répondit Abraham le bohémien. La jeune fille entendit ces derniers mots, quoiqu'elle n'eût entendu rien d'autre de ce que l'homme avait dit. « Une belle jeune fille, » murmura-t-elle. « Une belle jeune fille, elle n'avait pas 18 ans. Et c'était le meilleur cœur qu'il ait jamais eu. Ma pauvre Susanna, ma pauvre Susanna. » Elle cacha sa tête dans ses mains et pleura longtemps. « Pourquoi pleure-t-elle tant sa sœur ? » demanda Andrews. « C'est une longue histoire, camarade, » dit Abraham. Mais il se peut que je vous la dise quand nous aurons été quelque temps ensemble. Ce n'est pas une de ces histoires qu'on aime à raconter à des étrangers. » La femme releva la tête, et les yeux en feu, elle regarda le groupe. « On devrait la dire au monde entier !» s'écria-t-elle. « On devrait la dire à ciel ouvert, à la multitude, cette cruelle, cette honteuse, cette pénible histoire. Mais vous m'y conduirez, n'est-ce pas » dit-elle d'un ton suppliant. « Vous m'avez juré, Abraham, de m'y conduire. « Je vous y conduirai, mon enfant, je tiendrai ma promesse. Et vous me mettrez face à face avec lui, face à face. Soyez béni, Abraham, vous êtes bon et loyal. » Épuisée par sa douleur, elle se laissa retomber sur le sol et s'assoupit de nouveau. « Elle est un peu folle, n'est-ce pas ?» murmura Andrews en portant sa main à son front. « Un peu, j'en ai peur, la pauvre fille. Elle a eu assez de chagrin pour rendre fou le plus sage, pauvre fille. Elle devrait être ma femme, camarade. » Et il est bien dur de la voir ainsi. Les hommes se partagèrent toute la bière qui restait dans le pot de terre, et quand les étoiles parurent sur la nuit sombre, ils se laissèrent aller à une certaine familiarité. John Andrews lui-même parut oublier un moment le démon enfermé dans sa poitrine, et joignit sa gaieté un peu sombre à celle des autres, gaieté pleine de bonnes intentions, mais qui n'avait rien de séduisant. De temps en temps, il interrompait la conversation pour dire « Je reste avec vous, camarade, je reste avec vous ».